7 sur 7 dans le bank. J'fume et j'bois dans le bank. Avec la choupette dans le bank. Ça crie à ha. J'me rappelle au réseau à l'époque y'avait la file d'attente. Ça faisait des cambios, ça pissait même sous la pluie battante. Ça criait des ha dès que tu voyais les cibles dans la pente. Ça vendait la baram, ça la faisait partir à 50. J'me rappelle quand j'sortais de bassesse, y'avait toujours les schmitts à la vue. Ils te mettaient sur le côté, ces gros fils d'eux, ils cherchaient la vue. Sur 7 dans le bank, j'fume et j'bois dans le bank. Avec la choupette dans le bank, ça crie à ha. J'suis un mec du bank, j'suis toujours dans le bain. Vas-y, contrôle-moi, mais s'te plaît, mets pas les mains. J'suis un mec du bank, j'suis toujours dans le bain. Y'a toujours du stup, ouais, dans la sacoche, balmain. 7 sur 7, j'fume et j'bois. Avec la choupette, ça crie à ha. Quand tu parles dans les vides, j'ai plein de le changeur, je le vide. Tu rentres, ça sonne vite comme les tribunes pendant le Covid. On veut remplir le stade ville, Marseille, ça nous appelle les Marvel. Une instru, une capture, j'te fais danser, mais Marine Le Pen. Ce soir, ça fait des parties, c'est ou FIFA ou Call of Duty. J'ai le machin dans les parties, si y'a Haja, je sors les outils. Là, j'suis calé dans mon quartier, un petit flash, ça nique la routine. On n'a pas le droit de ses plaintes, pense aux photos qui tombent, qui cantine. Dans le bank, 7 sur 7, dans le bank. J'fume et j'bois dans le bank. Avec la choupette dans le bank. Tu es mec du banks, je suis toujours dans le bain. Vas-y, contrôle-moi, mais s'te plaît, mets pas les mains. Tu es mec du banks, je suis toujours dans le bain. Y'a toujours du stup, ouais, dans la sacoche, balmain. Dans le banks, dans le banks, dans le banks, dans le banks, dans le banks, dans le banks, dans le banks, dans le banks, dans le banks, dans le banks, 7 sur 7, dans le banks. Je fume et je bois dans le banks. Avec la choupette dans le banks, ça crie à ha. Tu es mec du banks. J'suis toujours dans le bain, vas-y contrôle-moi, mais s'te plaît, mets pas les mains. J'suis un mec du banks, j'suis toujours dans le bain. Y'a toujours du stup, ouais, dans la sacoche, balmain. 7 sur 7, j'fume et j'bois. Avec la choupette, ça crie à ha. Wesh le corps, wesh le gilet.